Já há 500 e tal pessoas que morreram civis. Dessas 500 e tal, suponho que à volta de 50 crianças. Sim. E uma das primeiras crianças morreu porque queria beber água e não tinha a possibilidade de beber água. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Toi l'amour de ma vie, je t'aime. tous à toutes, il est 13h passé de 30 minutes, et bienvenue tous à toutes avec l'émission de l'accordéon. Juste à l'instant, tu entends un morceau avec Michel Trouveau. Avec un morceau de valse, c'était suivi avec Erika de Dupasseur. radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici donc qui s'appelle Fred de l'Anglais avec Alouette Partis et puis juste après Serge Berry. siffler le tambourin et les congas. Les filles se sont fait belles, elles ont le cœur en quête. Y'a peu d'amour pour la fête à Balaïna. Avec du passe doble et puis juste après avec aimable Musette, tout va. Je mémoire. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Les oiseaux, c'est Obad d'Oiseau, et puis juste après, un petit tour du côté de l'Espagne. We'll be right back. avec l'Espagne, avec André Verchuren, Viva l'Espagnol. Sabrina, et juste après un morceau de Marche. We'll be right back. La Java avec Stéphane et oui, Stéphane. Et puis donc l'autre c'est Dominique qui sont deux avec La Java. Voici donc. Yeah. Bruyère. Voici la musette. comme la one you whine. Tout le monde là qui l'a pas précisé. Open ou ok, tout fait se bouger. J'allais la commande, tout le monde a des hanches. J'étais pas des habillés, nous pas pour sauver. Et restez plus, tiens, y'a mes sucres là. Boulot. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. naufrage. À qui ça, la joie me gagne quand ton regard pose sur moi comme un orage. À qui ça, tu es si belle, viens près de moi. Et je veux t'aimer. toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Avec tout simplement, il s'appelle Aimable avec Mon Amant de Saint-Jean, et puis juste après de Medley, Musette et aussi d'Avance.

Conscial, un amour de la femme. cœur. Sillonnant les routes du monde, en recherchant des solutions. La mort l'emportant dans sa ronde, ni fera ses bonnes intentions. Elle est née dans la noblesse, on ne choisit pas son destin. Éduquer ses enfants. Sa vie qui ne fut qu'éphémère restera gravée dans les temps. Elle était née dans la noblesse, on ne choisit pas son destin, mais son cœur. Semblait lui donner le bonheur. Elle avait trouvé sur son chemin celui qui semblait l'âme sœur. Elle sacrifia sa jeunesse, oubliant l'orgueil et l'argent. Mais son cœur rempli de tendresse lui fait prendre un autre chemin. Tout en étant grande princesse, elle prit soin des malheureux. Elle mourut en pleine jeunesse et son âme est mort. Arc-en-ciel 96.2 la FM en couleur. Voici donc André Lop. We'll be right back.

Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Voici tout simplement, il s'appelle Daniel Colin. Et puis juste après, on écoutera Louis Corchia, le titre Carinou.

chanson des myrtilles, un peu de miel au pays des abeilles. Au petit jour, j'ouvrirai la fenêtre et je t'apporterai sur un plateau les plus beaux fruits de l'amour. Et peut-être dans le matin, le doux chant des oiseaux. Cloche d'Auvergne sonnait dans la montagne, car les troupeaux remontent au pâturage. Réveille-toi, cabrette des campagnes, car les oiseaux chantent dans les feuillages. J'irai cueillir un bouquet de jonquilles et les perles de rosée du matin. J'irai cueillir pour la plus belle fille tout l'amour qui fleurit dans mon jardin. Dans ta chambre, je fermerai la porte. Sur ton lit, je poserai mon bouquet. Loin de l'hiver et loin des amours mortes, je poserai sur ta bouche un secret. À sa fin, on va se retrouver prochainement, puis j'espère que vous avez passé un après-midi bien. Voilà, donc dans quelques minutes donc on va se quitter, et puis n'oubliez pas que demain matin on sera donc lundi, et à partir de 7h jusqu'à 9h avec Francky, et juste après entre 9h jusqu'à midi avec Jean-Pierre pour l'émission Vers Matin. Bonsoir à tous et à vous toutes.